Musica. This measure 4x4 is the best of the world. Okay. All right. Nakutani na bango na centre-ville, bakolika bemisione nga. Lolenge batelemi, on dirait comme s'ils étaient mannequins. Harmonie na tabo ya ma sorti, toko la majelou, et la délire. Tu la tu la de ta mouquise à Kuna Madou. motema maladi da belange maladi ketimini ibela ibela ayayani